Hélas, celui qui écoute, hélas, celui qui voit. La Bible déclare, j'ai entendu la cri de mon peuple, et je suis descendu pour le délivrer. Il est là, Dieu, Dieu, moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans le profondeur. Fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans le profondeur. Voici devant toi. Je suis venu chercher ta face. Ne me cache pas ta face. Moi aussi, je désire ta présence. J'ai besoin de te rencontrer. Dans ces 10 jours de prière, je désire te voir. Nous voulons dire à Dieu, descends à ces lieux. Nous désirons ta présence. La Bible déclare, pendant que les apôtres étaient en train de prier dans la chambre haute, l'Esprit des cieux est descendu sur eux. Il y avait des diversités de langues. Nous aussi, nous sommes réunis en ces lieux comme les apôtres, en train de désirer la présence du Très-Haut. Dis à Dieu, descends ces lieux. Conduis-nous, Père. Conduis-nous, toi seul, prends le volant de ce culte. Toi seul conduis-nous, pas selon notre intelligence, mais selon toi. Prions dans le nom de Jésus. Tu le désires et il se laissera voir. Tu le cherches et il se laissera trouver. Élève ta voix, commence à prier. Esprit de Dieu règne. Élève ta voix, commence à prier. En ce lieu, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu. Dans ma vie, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne. Dans ma vie, Esprit de Dieu, oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit de Dieu. le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ici prié en disant Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer le roi des rois? C'est lui qui est assis sur le trône. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je suis en train de parler de Dieu. Pas un homme comme nous, mais c'est lui qui nous a créés. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'acclamer, on peut l'acclamer. C'est de Dieu que je suis en train de... Il est le créateur et créé. C'est lui qui n'a jamais été créé. Alléluia. Est-ce qu'on peut exagérer avec les Milolo? Nous allons louer le Seigneur. Mina Shanga, on a baqué à Wakukala. Pika Mikon, tu es Jésus, Dieu. On y va. Yesu ni wangu wa siku zote, ndiye anajua maisha yangu, hata usiku hata ujana. Yesu ni wangu wa siku zote, Yesu ni wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata ujana. Yesu ni wangu wa siku zote. Pika mikono sasa, pika pika lekele. Yesu wa siku zote. Maboko, maboko, maboko, maboko, maboko. Yesu ni wangu wa siku zote. Ata ningekuwa na mujumba, ata ningekuwa na mujumba, angenipenda kama na Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Oh, oh Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Yele. Shukuru na muna kaniwe, owe na muna kaniwe, oh takuimbia na muna kaniwe mama, owe na muna kani, baba wa mapendo, baba na muna kani, pepea pepea, owe na muna kani, kimbilio yangu, baba na muna kani. Baba yangu wewe, owe owe na muna kani. Tekemea sangu wewe, baba na muna kani. Baba yangu wewe, owe owe na muna kani. Pepea pepea, pika pika lekele. Kuimbia na muna kaniwe, takuchezea na muna kaniwe, takushukuru na muna kaniwe baba, owe owe na muna kani, baba wa mapendo, baba na muna kani, baba yangu owe owe na muna kani. Amen, amen. Nous voulons adorer. Il y a un chant qui dit. Yeah. Adorer ton Dieu. Dis-lui combien il est grand. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Te chanter. Seigneur, tu es celui qui nous protège. Nous pouvons nous tenir tous debout, nous voulons faire quelque chose. Tous nous sommes debout. Nous voulons tous ensemble répéter ce refrain. Nos mains sont levées. Bien-aimés, nous sommes devant le roi de gloire. Nous sommes devant le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes devant l'incomparable, l'admirable. Nous sommes devant le Dieu créateur de toutes choses. Et vous et moi, nos vies sont soutenues par lui. Nos vies sont soutenues par sa volonté. Et c'est à ce Dieu-là que nous voulons dire ce soir, nos mains sont levées. Ensemble, est-ce que nous pouvons répéter la chorale? On y va. Mais sans l'effet, nous voulons t'élever, t'adorer. Yeah. Parce que nous sommes dans la continuité de notre séminaire. Mana tunakuwa kuendelea kwa maombi yetu. Et tunakuwa pa jioni ya leo. Nyanyua mkono yako. Et tunaweza tena kupiga bikelekele kwa ajili ya mfalme. Bwana Mungu wetu. Bariki wa milele Mungu wetu. Et nous disons merci à notre père papa Désiré. Tunasema asante kwa baba Désiré. Pour ce moment merveilleux qu'il a. Hii wakati mzuri yani anakuwa na shindikizano kanisa. Je crois que depuis dimanche jusqu'à hier. Azania tangia juma mpaka jana. Nous avons passé des moments extraordinaires. Pitisha manyakati ya mastaja. Des moments merveilleux. Nyakati nzuri zaidi. Dans la présence de notre Dieu. Ndani ya uwepo wa Mungu wetu. Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer pour cette vision? Et si tunaweza shangilia kwa ajili ya pour notre visionnaire. Kwa ajili tena muonyo wetu. D'avoir organisé ce moment. Tunga tena hii wakati. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Quand un père pense à son peuple, baba des moments taifa, où son peuple doit être nourri, ma ile taifa en tout cas, nous devons rendre gloire Muna à Dieu. Sifa kwa Mungu. Bien aimé, ce soir, jioni ya leo, avant que je ne puisse présenter l'orateur, mbele ya kutambulisha mubiri, je voulais demander à la terre de nous faire passer quelque chose. Ces dix jours de la chambre haute connaîtront la participation du prophète Barak Lumbu. Cadet d'une famille de six enfants, né un certain 13 août, le prophète Barak Lumbu est diplômé en gestion et développement à l'université de Goma. Le prophète Barak a grandi en tant que chrétien depuis 1999, prédicateur depuis 2006 et il a été consacré au ministère depuis 2014 par l'apôtre Samuel Lumbu, au pied de qui il a vécu et servi pendant 5 ans en Tanzanie avant de rejoindre la République du Congo. Marié à Madame Joanita Lumbu avec qui ils ont deux beaux enfants. La présence de Jésus, c'était la présence de l'agneau. C'est que quand Jésus est arrivé, automatiquement, la délivrance devient possible. Parce que pour que l'agneau soit libéré, il faut qu'il y ait la présence de l'agneau. Or, l'agneau que je parle ce matin, c'est l'agneau prophétique qui est la personne de Jésus-Christ. Le prophète Barak est visionnaire de l'église Mission Prophétique pour la Restauration, basée actuellement à Lubumbashi. Le prophète Barak œuvre plus dans le prophétisme. Église sur seconde, lèvons-nous et accueillons ensemble l'homme de Dieu. Seigneur, acclamons bien le Seigneur. Amen. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kumchapia Bwana kofi. Nous bénissons l'Éternel. Tunambariki Bwana. Pour la grâce. Kwa neema. Nous a fait encore ce soir. Yenye anatupewa tena jioni ya leo. Pour que nous soyons l'un des canaux par lesquels il va passer pour bénir nos vies. Hivyo tukue njia kwa ile anapitia njia kubariki maisha yetu. Avant de commencer, je dis... Saint-Rome, merci à Dieu. Mbele ya kwanza tapikia asante kwa Mungu. Je dis merci à l'ange de l'église, notre papa. Napiki accente kwa malaika wa kanisa baba yetu. Désiré. Révérend pasteur Désiré. Pour la marque de confiance. Kwa yote na tumaini alituwekea. J'ai toujours dit que la chair est chère. Nasema kama mbali iko bei. On la donne pour son chair. Inakuwa tena bei. Mais moi je considère ceci comme étant une grâce de vous parler ce soir. Mie minaona hiyo kama neema kusema na mwili yote. Je dis merci à tous les serviteurs de Dieu et ces lieux. Napiki accente kwa watumishi wote wanafazi hapa. Je dis merci aussi pour ta présence. Napiki accente kwa uwepo wako. Amen. Amen. Nous croyons que le Dieu de la maison nous fera encore grâce ce soir. Tunaaminia kusema Mungu wa hiyo nyumba atatujalia mema dioni. Surtout comme il y a un très bon thème. Hivyo kuna kwa shina mzuri. Où nous parlons du revêtement de l'esprit. Kule tunasema kujulisha upya kwa roho. Nous croyons tunaaminia que Dieu le fera et qu'il a déjà commencé le. Ya kusema Mungu ataitenda na anesha kuanza. Amen. Amina. Il a déjà commencé. Anesha kuanza. Et il va continuer. Na ataendelea. Je voudrais d'abord nous proposer trois textes. Napenda tumipatie ile tutasoma tatu. D'abord notre texte de base qui est Kishina... dans Juges chapitre 6. Kishina yetu inakuya katika Mwamzi sura yake ya 6. Le verset 30. Na le verset 34. Na musari wake wa 10 makumi tatu na ine. Toi qui écris, tu peux écrire aussi Jean chapitre 7. Wewe ukunaandika unaweza kuandika Yohana sura yake ya 7 à 39. Jean 7 37 à 39. Et puis nous allons ajouter Ézéchiel 47, na du tuta, premier au cinquième verset. Tuta ongeza Ézéchiel 47, premier. Ce sont les trois portions que nous allons lire ce soir, mais... Ima sehemu kitatu ile tutasoma dioni ya leo. Mais tu pourras écrire et écouter encore Nombre au chapitre 10. Naweza kuweka tena kupembeni Hesabu sura ya 10. Du premier au cinquième verset. Mstari wake wa kwanza mpaka tano. Par Juge 6. Tunaanza na Mwamzi sura yake ya 6. Le 34. Mstari wake wa 34. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma mujina la Yesu. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Gideoni alivishwa na roho ya wa milele. Il sonna de la trompette. Alipika tarumbeta. Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Abiezeri aliweza kualika na kumfuata. Jean. Yohane. Chapitre 7. Sulaike ya saba. 37 à 39. 37 mpaka 39. Les derniers jours, les derniers jours, les grands jours de la fête. Ata siku ya mwisho, siku kubwa ya karamu. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, Yesu, viens à moi. Yesu akasimama na kalalamika kwa sauti ya nguvu kama mtu yuko na kiu aje kwangu. Et qu'il boive. Naye akunoe. Celui qui croit en moi. Mwenye ananiaminia mimi. De fleuves d'eau vive couleront de son sein. Kama vile mahaji makubwa itaguka tena kwake. Comme dit l'écriture. Kama vile inasema miandiko. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Anasema ile wale watapokea kwa wale wataminia mwake. Car l'esprit n'était pas encore. Sababu roho haikukua inashafika. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Sababu Yesu asikukua mwenye kutukuzwa. Amina. Et la dernière portion que nous allons lire, c'est dans sehemu ya mwisho. Ézéchiel 47. Soma katika Ézéchiel 47. Du premier au cinquième verset. Mstari wake wa kwanza mpaka tano. Il me ramena vers la porte de la maison. Haliweza kunirudisha kwa mlango ya nyumba. Et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison à l'orient. Natazama maji iliweza kutoka tena kukaskazini. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au milieu de l'autel. Na maji ilianza kutoka ku ngambo ya shoto katikati tena ya mimbari. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Aliweza kuniongoza ku mlango. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Aliweza kunizungulusha kwa nje mpaka ku ngambo ya kaskazini. Et voici l'eau coulait du côté droit. Na tazama maji iliweza kutelemuka ku ngambo ya. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient. Wakati mtu aliweza kusongea ku kaskazini. Il avait dans la main un cordeau et il mesurait 1000 coudées. Alikuwa mkononi mwake na kamba na alianza kupima sehemu. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Aliweza kunitambusha maji na nilikuwa na maji mpaka miguu. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Alikaniambia tena nipime masehemu na kunitambusha maji. Et j'avais l'eau jusqu'au genou. Na nilikuwa na maji mpaka goti. Il mesura coudées. Niliweza kupima tena sehemu ingine. Et me fit traverser, j'avais l'eau jusqu'au rein. Aliweza tena kunitambusha na nilikuwa na maji tena juu ya tumbo. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Aliniambia tena nipime sehemu ingine lakini ilikuwa tena maji makubwa sikuweza tambuka. Car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. Sababu maji ilikuwa na uketo sana ilibidi nipate kupika sonfi. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Ilikuwa ni maji kubwa hivyo uweza kuyatambuka. Amina. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer deux personnes de gauche et de droite? Unaweza kusalimia watu mbili kushoto na ume. Je lui dis que Seigneur ce soir. Umwambia kusema Bwana akubariki dioni. Que Seigneur te visite ce soir. Bwana akutembelee dioni. Qu'il te fasse du bien. Akufanishie mema. Fais-le avec joie et c'est un peu de sourire. Uyafanye na furaha pima kucheka kidoko. David a dit qu'il était content quand on lui a dit la maison de l'Éternel. Daudi alikuwa na furaha wakati walimwambia henda ndani ya nyumba ya milele. Amina. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Nous sommes en train de parler du revêtement de l'esprit. Tunasemezea kwa ajili ya kuvishwa kwa roho. C'est un thème tellement profond. Inakuwa tu ni kishina kia unabi. J'ai toujours dit, quand Dieu donne un thème, nasemaka kama Mungu analeta shina, en question cache la volonté de Dieu dans notre vie. Ile shina inafutika tena mapenzi ya Mungu ndani ya maisha yetu. Si Dieu veut nous parler du revêtement de l'esprit, kama Mungu anapenda kutusemezea njia kuvikwa kwa roho, son objectif dans notre vie, shaba yake ndani ya maisha yetu, pour revêtir de l'esprit, inakuwa ni tuvishwe na roho. Amen. Amina. Et je mon cœur. Na aminia kwa moyo wangu wote. Que Dieu ne peut pas réunir son peuple. Mungu asiwezi kuweka pamoja taifa yake. Pour ne rien faire. Kisha asitende. La Bible dit dans Isaïe 55. Biblia inasema katika Isaya 10 à 11. Mstari wake wa 10 mpaka 11. Comme la pluie et la neige tombent des cieux. Kama vile tena mvula na toka mbinguni. Ne retourne pas à Dieu sans avoir et féconder la terre. Airudi kwa Mungu bila tena kumimia udongo. Il sera de même à la parole de Dieu qui ne peut jamais retourner à Dieu sans avoir accompli ses desseins. Ni vile vile na neno ya Mungu haiwezi kurudia kwake bila kutenda. C'est pour dire que ni juu ya kusema, pendant ces 10 jours, kupitia hiyo masiku 10, la parole de Dieu ne retournera pas auprès de Dieu sans accomplir sa volonté dans votre vie. Neno ya Mungu haitarudi kwake bila kutenda mapenzi yake maisha yetu. Et quelle est cette volonté? Nini imekuwa mapenzi? C'est le revêtement de l'esprit. Inakuwa ni kuvikwa kwa roho. Et c'est ce qu'il va faire avec nous. Na hiyo hatatenda pamoja nasi. Le verset de base que nous venons de lire dans Juges chapitre 6. Kishina kia msingi yetu tunasoma katika Mwanzo sura ya 6. La Bible dit Gédéon fut revêtu du Saint-Esprit. Biblia nasema Gideon alivikwa na Roho Mtakatifu. Il sonna de la trompette. Yeye alipika tarumbeta. Et Abiezer marcha en le suivant. Na Abiezeri alianza kumfuata. Alléluia. Amen. Si nous commençons par le début de ce passage. Kama tunaanza kumwanzo ya hiyo msomo. Vous allez comprendre que Dieu parle Israël. Utaona kusema Mungu anasema na wana wa Israeli. Pendant un temps qui était un temps très difficile. Kwa wakati ilikuwa ya kigomo. Parce qu'ils étaient esclaves. Sababu walikuwa watumwa. Sous la main forte des Madianites. Walikuwa chini ya mikono ya Wamidiani. La Bible dit que le temps qu'Israël traversait était un temps très difficile. Biblia inasema wakati Israeli ilipita ilikuwa wakati ya kigomo. À tel point Israël s'aimait. Mpale Israeli ilianza kupanda. Les Madianites venaient saboter leurs semences. Wamidiani walikuja kuharibisha hiyo walipanda. Ils pouvaient piétiner le fruit de la terre. Walianza kukanyanga tunda ya udongo. Israël s'est caché dans des cavernes. Israeli ilianza kufuchama chini tena. L'ennemi semble être plus fort qu'Israël. Il traversait des moments très très compliqués. Je ne sais pas toi aussi quels sont les moments que tu as pu traverser. Et quels sont les combats que tu fais face dans ta vie. Et quels sont les défis que tu es en train d'affronter. Et c'est pendant ces moments-là que Dieu s'est choisi Gideon avec la mission de sauver son peuple afin que par lui Israël soit délivré. Et quand Dieu a choisi Gideon, même Gideon lui-même ne croyait pas en lui. Il était un homme faible parce qu'il dit: je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite. Même ma tribu est la plus petite. Je ne saurais pas. Il a reconnu son incapacité. Mais malgré son incapacité, Dieu l'a choisi. Il a eu une rencontre avec l'ange de l'Éternel. Wakati tunakutana na malaika wa milele, on ne restera pas la même personne. Tabaki paka yule mmoja. Kumekuwa vitu vinabadilisha maisha yetu. C'était l'Éternel lui-même. Je comprends que Dieu ne choisit pas des hommes capables. Mais Dieu rend capable les personnes qu'il choisit. La puissance de Dieu ne commence pas dans la puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci: Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre le sage. Il choisit le faible pour confondre le fort. Gédéon était un homme incapable. À ses propres yeux, il était incapable. Il ne pouvait rien. Mais Dieu a pris la même personne qui était incapable, qui avait peur, qui ne pouvait rien. Parce que s'il était capable, la gloire allait revenir à l'homme. Mais Dieu se choisit un homme incapable pour manifester sa gloire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce soir plutôt. Ce n'est pas parce que tu n'es pas venu d'une famille royale ou d'une famille riche que tu ne peux pas réussir dans la vie. Ton origine n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est là où Dieu t'amène. Et j'aimerais dire ce soir que Dieu Mungu t'a choisi. Peu importe ta position. Peu importe ton niveau de titre. Peu importe la famille dans laquelle tu es venu. Dieu a porté le choix vers toi. Mungu comme il a fait avec Gédéon, vile halifanya na Gideoni, il a un plan anakuwa tena na mpango avec toi. Nawe. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu, j'ai toujours dit, il ne commence pas par la puissance. Celle qui commence grand. Il inaanza ukubwa. Fini dans la petitesse. Inaisha tena kidogo zaidi. Et ce qui commence dans la petitesse. Il inaanza kama kidogo. Fini dans la grandeur. Yayo inaishi tena mukubwa. Quand Dieu a commencé avec le premier Adam. Wakati Mungu alianza na Adamu wa kwanza. Déjà un homme grand. Alikuwa tu ni mtu mkubwa. Un vieux papa. Alikuwa ni bababu. Il avait déjà de la barbe. Yeye alikuwa na ndevu. Un homme accompli. Ilikuwa tu ni mtu anashafikia. Mais il a fini dans la chute. Lakini halikui mwisho yake ilikuwa ni kuanguka. Mais quand il a pris le deuxième Adam. Sababu wakati alichukua Adamu wa pili. Il n'a pas commencé avec un homme grand. Asikuanze na mtu mkubwa mzima. Mais il a commencé avec un homme petit. Lakini alianza na mtu mchanga. Jusqu'à finir avec lui dans la grandeur. Paka kuishi naye tena mkubwa. Le même Jésus dit, la Bible dit que Jésus Biblia kasema s'est levé comme une faible plante. Haliweza kuamuka kama Il a commencé dans la faiblesse, mais il a fini dans la grandeur. Mais la Gédéon était un homme faible. Comment un homme faible peut être capable d'affronter l'ennemi et d'apporter la victoire et de changer l'histoire de toute une nation? Il fallait qu'il y ait quelque chose sur lui. Quand cette chose arrive dans sa vie, cet homme incapable, cet homme faible devient un homme puissant. Et c'est la chose qu'il te faut pendant ces 2 jours ici. Tu pouvais être un homme faible, un homme incapable, mais lorsque la chose arrive dans ta vie, ta situation va changer. La Bible dit que quelque chose s'est passé dans la vie de Gédéon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était revêtu de l'esprit. Lorsque on est revêtu de l'esprit, la présence du Saint-Esprit dans notre vie transforme notre vie. Ce que tu étais incapable auparavant, capable à cause du Saint-Esprit. C'est pourquoi ma prière pour toi ce soir, que tu sois revêtu de l'Esprit. Et il y a la différence entre le revêtement et l'effusion de l'Esprit. La différence entre être revêtu de l'Esprit et être encore puissant de l'Esprit. Alléluia. Amen. Parce que même dans le Saint-Esprit, Rome, il y a des dimensions. Il y a des qui sont remplis, mais qui n'arrivent pas à la plénitude. Mais il y a d'autres qui vont jusqu'à la plénitude. Et d'autres vont jusqu'au débordement. La volonté de Dieu dans notre vie, ce n'est pas que l'on soit rempli, mais il veut que nous atteignions pas seulement la plénitude, mais que nous atteignions le débordement. C'est pourquoi je déclare sur quelqu'un ce soir, il y aura un débordement dans sa vie ce soir. Tu seras rempli et il y aura un débordement en toi. Parce quand le débordement arrive, tu feras des choses que tu n'as jamais fait dans ta vie. Je suis fatigué d'avoir une vie chrétienne sans impact. Je suis fatigué de ne que citer le Saint-Esprit, mais j'ai envie de manifester la puissance du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous sommes appelés à marcher dans la puissance. Tu n'es pas, tu n'as pas besoin d'être prédicateur pour marcher dans la puissance. Tu n'as pas besoin d'être chanteur. Le fait seulement que tu es chrétien, tu as le droit de marcher dans la puissance. Dis à ton voisin, c'est possible de marcher dans la puissance. Alléluia. Amen. Si Dieu te revêtit, parce qu'il sent qu'il y a des défis qui sont devant de toi, que tu dois relever, que tu ne peux pas relever avec ton diplôme, que tu ne peux pas relever avec ton savoir-faire, mais tu ne peux le relever qu'avec le surnaturel dans ta vie. Savez, un chrétien doit avoir quelque chose que le monde n'a pas. La présence du Saint-Esprit dans notre vie nous donne au-delà de ce que l'université peut nous donner. C'est pourquoi il est important que nous soyons remplis jusqu'au débordement. Que tu sois revêtu de puissance. Un, pour élever les défis. Deuxièmement, vie chrétienne avec impact. Deuxièmement, pour affronter l'ennemi. Parce que quand on devient chrétien, wakati tumekuwa wa Kristo, directement on devient ennemi du diable. Pale pale tunakuwa wahadui wa ibilisi. C'est pourquoi il est un que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dans le livre de Jean chapitre 7, 37 à 39, Jésus dans une fête, il dit: si quelqu'un kama moto a soif, amekuwa na kiu, qu'il vienne vers moi, yeye haje kwangu, et qu'il boive. Akunwe. Si quelqu'un kama moto croise à moi, ananiaminia, de fleuves d'eau inakuwa mitoni ya maji, couleront de son sein, itatoka ndani mwake. Quand descend verset 38, 39 plus tôt, la Bible dit ceci: il parle du Saint-Esprit, anasemezia juu ya Roho Mtakatifu, car l'Esprit n'était pas encore venu. Il dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Mais si quelqu'un croise en moi, il ne fera que boire, mais des fleuves d'eau couleront de son sein. C'est pas si quelqu'un me comprend. Si quelqu'un a soif, il va boire. Mais si quelqu'un a la foi, des fleuves d'eau couleront de son sein. Quand on parle couler de son sein, ça rend pas la dimension du Dieu. Tunabeba tena kiwango ya kujaza kwa utele zaidi. C'est la dimension dans laquelle je veux que tu puisses désirer ce soir. Ni kiwango mimi natamani wewe utamanie dione. Alléluia. Amina. Et c'est possible. Inawezekana. Qu'aujourd'hui même. Leo. Avant de sortir. Mbele ya kutoka. Que tu atteignes cette dimension. Wewe ufike moyo kiwango. Quelqu'un est avec moi ce soir. Mmoja amekuwa pamoja na mimi. Je suis venu te révolter. Nilikuwa tena kukulamusa. Je suis venu te conscientiser. Mimi nakuja tena kurudisha. Je suis venu te dire que c'est possible. Na kwa kukwambia kawezekana. D'atteindre une dimension. Kufika kiwango. Donc tu n'as jamais atteint. Ile wewe hauyafika kamwe. Depuis que tu as commencé à marcher avec Dieu. Tangu ulianza kutembea na Mungu. Et comment? Namna gani? Nous pouvons faire. Tutaweza kuyatenda. Pour y arriver. Tu ya kufika kule. Parce qu'aujourd'hui, Leo, il faut qu'il y ait des personnes inabidi kuwe watu qui atteignent une grande dimension avec le Saint-Esprit. Wale watafika mkiwango kubwa pamoja na Roho Mtakatifu. Tu ne vas pas te limiter seulement à parler en langue. Hautashimamia mpaka kumsema lugha. Mais qu'elle est surnaturelle. Kini kimungu. Se manifeste. Kionekane. Dans ta vie. Ndani ya maisha yako. Quand tu chantes. Wakati kaimba. La gloire de Dieu descend. Utukufu wa Mungu inashuka. Quand tu es au travail. Wakati uko mkazi. À cause de l'onction de l'Esprit de Dieu sur toi. Kwa ajili tena ya Roho ya Mungu juu yako. Tout ce que tu touches yote utagusa marchera. Itaenda parce que Joseph, la Bible dit, sababu Yusufu Biblia kasema, à cause de l'Esprit de Dieu qui était sur lui, tout ce qu'il touchait yote aliweza kugusa prospérer. Ilianza kuenda mbele. C'est que l'onction, la puissance de Dieu, nikusema upako uwezo wa Mungu, capable inaweza de fructifier tout ce que tu toucheras. Kutupulisha yote wewe unaweza gusa. C'est pourquoi je dis que c'est possible. Kwa maana nasema ikawezekana de faire des choses extraordinaires avec Dieu. Yakufanya vitu ya kusutusha pamoja na partout. Au travail, dans la société, c'est possible que tu atteignes les débordements. Visez la grande dimension. Ne te limite pas à la basse dimension. Vise le haut. Et c'est possible que tu y arrives. C'est pas pour rien que je touchais Ézéchiel 47. La Bible dit ceci: que Ézéchiel, qui est le fils de l'homme, on l'a ramené vers une maison à l'Orient. Et quand on l'a ramené vers cette maison, sur cette maison, sous le ciel de la maison, sortait de l'eau. Et quand cette eau était en train de sortir, la Bible me dit que l'ange l'a fait marcher. L'homme qui était avec lui l'avait fait marcher. Il a marché pendant 1000 coudées. Et quand il a marché pendant 1000 coudées, la Bible dit qu'il avait l'eau jusqu'aux chevilles. N'oubliez pas, quand on parle du torrent, nous parlons du Saint-Esprit. quand on parle du fleuve, on parle du Saint-Esprit. Selon ce que nous dit Jean chapitre 7. Mais en touchant ce passage, il y a une réalité attachée à différentes dimensions avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit, il a marché pendant 1000 coudées. Mais bon, pendant qu'il a marché avec pendant 1000 coudées, il avait l'eau au niveau de cheville. C'est la première dimension. Il fallait qu'il avance encore. Et lorsqu'il est avancé, il a quitté la dimension de l'eau aux chevilles. Mais il est allé dans la dimension où l'eau a quitté les chevilles pour arriver aux genoux. Plus il avançait, plus il entrait dans la profondeur. Je voudrais dire à quelqu'un, refusez d'avoir une vie chrétienne statique. Plus les années passent, plus tu entres dans la profondeur avec lui. Il ne s'est pas limité au niveau des genoux. La Bible dit il a avancé. 1000 coudées encore. Et quand il a avancé pendant 1000 coudées, la Bible me dit il avait l'eau au niveau des reins. Il ne s'était pas limité à ce niveau. Il a encore avancé. Il a fait encore 1000 coudées. Après 1000 coudées, qu'il avait l'eau, l'eau commençait à déborder. C'était un grand torrent. Il ne pouvait plus traverser. Il fallait nager. C'est-à-dire, c'est une dimension plus grande où il n'avait plus la facilité de marcher. Vous savez, pour atteindre cette dimension, il y a les étapes à passer. Lorsqu'on respecte ces étapes, on peut atteindre la dimension du débordement. Telle est ma prière pour toi. Non, spirituel et non esprit. Et c'est possible que tu vives cela. Léo, aujourd'hui, c'est possible dans ta vie. Peut-être que tu as entendu parler dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais je voudrais que les gens parlent, témoignent au travers de ce que Dieu va faire dans ta propre vie. Écoutez, la première dimension, c'était la dimension de cheville. Lorsqu'on commence avec Dieu, on reçoit le Saint-Esprit, on a la dimension qu'on appelle la dimension de cheville. Or, quand on parle de cheville, on parle de la dimension des ailes de l'Évangile. Quelqu'un est avec moi? Car la Bible dit, ayez des sandales. Je crois le verset 15. Il dit, les sandales comme étant les ailes de l'Évangile. C'est la première dimension que nous expérimentons avec Dieu. C'est la première dimension où il y a la première chaleur avec Dieu. Vous savez, quand quelqu'un vient de recevoir le Seigneur, il a le zèle. Il est courageux. Il aime l'Église. Il a toujours envie d'être dans la présence, même quand il n'y a pas de Christ. Je me souviens quand on a reçu l'appel au début, on avait envie d'aller même dans la rencontre des chantres. Mais il ne faut pas se limiter à ce niveau-là. Il faut aller plus loin. Plus tu avances, plus tu découvres une autre dimension avec Dieu. Alléluia. Amina. Et quand on avance, on arrive à la deuxième dimension. Cette deuxième dimension, c'est la dimension de genoux. Tu ne peux pas désirer la plénitude kutamani utele. Sans passer par ces dimensions ici. Bila kupita payoki wa. Quand on reçoit Christ. Munajua wakati tunampokea Kristo. Il y a beaucoup de promesses. Kuna kuya mahaidi mingi. Quand on est appelé même au ministère. Wakati tunaitwa kuhuduma. On te dira. Watakwambia. Dieu fera des miracles avec toi. Mungu atafanya miujiza pamoja nao. Dieu va faire telle autre chose. Mungu atafanya kitu fulani. Il sera un PDG. Wewe utakuwa PDG. Mais quand on avance avec Dieu. Lakini wakati tunasonga na Mungu. On se rend compte. Tunaona ya kusema. Que Dieu a parlé. Mungu alisema. Mais la chose. Lakini kitu. N'oublie pas encore. Parce qu'entre la promesse et l'accomplissement. Sababu katika tena ahidi ya kutimilika. Il y a une trajectoire. Kuna kuya njia. Maintenant quand on arrive au niveau de Jésus. Wakati on arrive à la dimension de la réalité de comprendre que ce qu'on t'a promis, ce que tu veux avoir, tu ne peux l'avoir que lorsque tu apprends à payer le prix. Tu veux une grande dimension? Découvre les prix à payer. Pour atteindre cette dimension. Les genoux. Les symboles de la prière. C'est la dimension de la vie de prière. Tu ne peux pas avancer. Avec le Saint-Esprit devenir puissant sans la vie de prière. C'est pendant tout ce temps Jésus était avec les disciples. Il leur prêchait l'évangile. Ils ont vu le miracle. Jésus leur disait: vous ferez des œuvres plus grandes. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Les disciples pensaient que ce serait avec facilité. Mais pour atteindre cela, Jésus leur a dit d'attendre dans la chambre haute. Ils ont commencé à prier. Mais ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils vont finir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils savaient quand est-ce qu'ils allaient commencer. Mais ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils vont finir. Il leur avait juste dit: restez dans la chambre haute jusqu'à ce que la Pentecôte sera venue, jusqu'à ce que le Saint-Esprit sera venu. Tu ne peux pas avoir une grande dimension, bien-aimé, si tu mets à côté la vie de prière. Tout chrétien puissant doit être un homme de prière. Développe la vie de prière. Et tu vas vivre Dieu dans d'autres dimensions. Jésus, avec les disciples, leur dit, quand ils étaient à la montagne, vous n'arrivez même pas à veiller avec moi, ne serait-ce une heure. Selon Jésus, une heure était comme le minimum de la prière. J'aimerais dire à quelqu'un: tu as le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il est capable d'opérer les miracles. De faire des grandes choses avec toi. C'est toi qui peut faire le Saint-Esprit agir au maximum ou qu'il agisse au minimum. Et tu changes ta manière de prier. Si tu changes ta manière de prier et tu deviens un homme ou une femme de prière, tu vas découvrir le Saint-Esprit dans d'autres dimensions. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens, pour prier il faut qu'ils viennent à l'église, même quand tu es à la maison. La prière doit être une vie pour toi. Tu ne peux pas être puissant sans la vie de prière. Tes genoux doivent être par terre pour chercher la face de Dieu. Je voudrais pas que ce soit une habitude où chaque année on célèbre la Pentecôte, mais on n'a pas une nouvelle expérience. Chaque nouvelle expérience demande un prix à payer. On ne vous trompe pas. Il y a toujours un prix à payer. Pierre, qui avait régné Jésus, la même personne qui a régné Jésus, après qu'il soit revêtu de Il était capable de prêcher Jésus, de guérir le malade, d'opérer le miracle. C'était la même personne. La même personne de Gédéon qui était incapable. Après le fusion de l'esprit, il est devenu capable. C'est que ce soir, Dieu va changer ton identité. Vous savez, la vie chrétienne, la réussir c'est facile lorsque on découvre le principe, on découvre le mystère et on le met en pratique, les choses changent. Quand Dieu te révèle les choses, la manière de faire et que tu obéis à cette parole de Dieu, tu auras une vie chrétienne différente. On parle pas des grandes dimensions, mais on doit découvrir comment on doit faire pour atteindre ces dimensions. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ces dimensions. Je sais qu'il y a des gens qui sont fatigués d'une vie chrétienne monotone. Voici le secret. Tu dois être discipliné. Tu dois payer le prix. Lorsque tu es un homme de prière, tu persévères dans la prière, ça te pousse à la troisième dimension. La première dimension, nous avions parlé dans la dimension de cheville. La deuxième dimension, c'est la dimension de genou. Troisième dimension, c'est la dimension de rein. La vie de prière ne va pas te déconnecter à la connaissance de la parole de Dieu. On grandit dans la prière et dans la connaissance. Éphésiens chapitre 6, verset 14. La Bible dit, ayez vos sentiers, vos reins sains, la vérité. C'est-à-dire, ayez la vérité comme ceinture. Quand tu développes la vie de prière, apprenez aussi à développer la connaissance de la parole. Parce que les dons sans connaissance crée la confusion. Amen. Même quand Jésus, avant de partir, il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans la vérité. Lorsque la connaissance grandit, lorsque la connaissance grandit, notre dimension avec le Saint-Esprit s'augmente. Quelqu'un est avec moi. Il y a des choses que Dieu ne fait pas avec certaines personnes à cause de l'ignorance. Quelqu'un est avec moi. Mais lorsque tu as la connaissance, tu comprendras même le fonctionnement du monde spirituel. Quand tu n'as pas la connaissance, tu voudras que le Saint-Esprit te parle pendant qu'il te parle déjà. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas demander à Dieu de faire des choses qu'il a déjà fait dans ta vie. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Mais lorsqu'on a la connaissance, la connaissance nous amène vers la maturité. Il y a des choses que Dieu ne fera pas aussi longtemps que nous ne grandissons pas. Et nous grandissons par la connaissance. Lorsque nous accueillons la parole de Dieu, la révélation de la parole qui est la vérité, il faut qu'il y ait l'équilibre entre la prière et la connaissance. Pas seulement la connaissance, pas seulement la prière. On a besoin de la prière et de la connaissance. Si quelqu'un a beaucoup de connaissances sans la prière, c'est la philosophie. Beaucoup de prières sans la connaissance, c'est le fétichisme. C'est pourquoi on a connu des gens qui prophétisaient comme pas possible. Mais ils ont mal fini. Haute connaissance. Il y a un frère qui dit, aujourd'hui Dieu m'a dit que je dois porter la chemise, les boutons, je dois les mettre derrière. Et ce qui est derrière, je dois mettre devant. Tout ça, la confusion commençait à être. Gloire au Seigneur. Quand la connaissance grandit, et nous amènera à la quatrième dimension. Qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que la connaissance de la parole nous apporte pour que nous entrions dans les grands torrents? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la connaissance nous apporte pour que nous entrions dans le grand torrent? La connaissance, quand elle vient, elle nous appelle la foi. Parce que la Bible dit, Romains 10, je crois, verset 17. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Tu ne peux pas vivre de débordement si tu n'as pas la foi. C'est pourquoi Jésus a insisté. Il a parlé d'abord de la première catégorie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Quand il boit, il aura encore besoin demain. Il va encore demander. Après demain, il viendra encore. Mais il a voulu que nous quittions cette dimension pour entrer dans la grande dimension. J'aimerais que tu arrives à cette dimension. Qui a dit amen? Mais il dit si quelqu'un croit des fleuves d'eau ou les ronds de son sein, des gens qui sont remplis, mais il y a des gens qui vivent le débordement. Celui qui est rempli, c'est la dimension où le Saint-Esprit travaille dans la personne. Ça transforme l'homme intérieur. Ça transforme, ça mène l'embrisement, la transformation, ça aide l'intérieur. Ça aide l'homme lui-même à son intérieur. Mais les débordements, ça travaille et dans la personne et dans son environnement. C'est-à-dire Dieu agit dans la personne et par la personne. Tu n'as pas compris. Quand c'est à l'intérieur, Dieu travaille en toi. Mais quand ça déborde, ton impact va au-delà de toi-même. Ça impactera même ton environnement, ta famille. Un homme qui a le Saint-Esprit va avoir un impact même dans son environnement. Nous sommes arrivés au temps où nous ne devons pas avoir peur des magiciens, peur des occultistes. Mais les occultistes doivent avoir peur de nous. On va travailler avec eux. On va marcher avec eux. Utiliser le même bureau avec eux. Mais ils ne nous feront aucun mal à cause du débordement. Daniel travaille avec les magiciens, mais son Dieu l'a distingué des magiciens. Je veux dire à quelqu'un, n'arrête pas ce travail parce que ton chef était magicien. N'arrête pas ce travail parce que ton patron est dans les sens occultes. À partir d'aujourd'hui, sois revêtu de puissance. Même quand il te regardera, il va trembler devant toi parce que tu auras expérimenté le débordement. Et pour que tu vives cela, il y a deux choses importantes. La première des choses, la soif. La deuxième des choses, c'est votre foi. Il te sera donné selon ta foi. Tu ne peux boire que si tu as une grande soif. Tu pourras boire une grande quantité d'eau. Ta soif détermine ta vision. Ta soif détermine ce que tu veux devenir avec Dieu. Et tu vas le devenir lorsque ces deux choses sont réunies. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vivras le débordement. Alors, comment on a imani? Si tu as la foi, si tu n'as pas la foi, comment on a imani? On sera que ceux qui travaillent avec le Saint-Esprit touchent au fétiche. Ce n'est pas le fétiche. C'est la foi. J'aimerais te dire ce qu'eux font, et font plutôt. Tu peux aussi le faire. Tu peux prophétiser. Tu peux prier pour le malade. Tu peux être guéri. Tu peux déclarer. Et les choses changent dans ta vie. Lorsque tu as les débordements ni wakati unakuwa na hali ya kuzidisha de votre foi inakuwa tena kutokea imani yenu. J'aimerais qu'aujourd'hui natamani leo que tu aies une grande soif. Uwe na kiu. Si tu as une grande soif kama uko na kiu tu recevras utapokea. Et aussi na kisha sois sensible wewe uko tu mtu wa esprit uchatilie roho mtakatifu travaille avec les personnes qui ont la sensibilité inatumika na wale watu wanachatilie ton identité utambulisho wako va changer itabadilishwa leo. Quand Gédéon était revenu de l'esprit, on ne l'appelait plus Gédéon. Vous pouvez l'appeler Jéribal. Et la Bible dit qu'il a sonné trompette. Quand le Saint-Esprit est rempli, tu deviens un homme capable de sonner la trompette. Tu deviens une femme capable de sonner la trompette. Si tu sonnes la trompette et que tu as le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est comme le qu'il te faut pour sonner la trompette. Aussi tu sonnes la trompette sans le souffle qui est le Saint-Esprit, tu donneras un son confus. Quand tu es rempli de l'esprit, tu n'accepteras pas de voir les gens dans le monde en train de se perdre pendant que toi tu es rempli. Parce que le son de la trompette, c'est le type de l'évangile. Tu seras zélé pour gagner les âmes pour le Seigneur. Et Dieu bénit des personnes qui gagnent les âmes pour le Seigneur. Alléluia. Amina. C'est pourquoi ce soir, la chose que je voudrais, c'est que tu sois capable d'entrer dans les débordements. Il y a des frères et sœurs aujourd'hui qui vont expérimenter la dimension du débordement. Il y a des choses que tu ne vivais pas dans le Saint-Esprit. Tu vas commencer. Il y a des problèmes que tu avais. Ces problèmes vont changer à cause du Saint-Esprit. Ton nom, ton identité va changer. Ce qui te mettait à genoux, tu le mettras à genoux. Parce que tu ne seras plus un homme ordinaire. Tu seras un homme puissant. Le nom qu'on appelle le Saint-Esprit, on l'appelle aussi dynamis, qui est la puissance de Dieu. C'est que tu deviendras puissant à cause du Saint-Esprit. Glory God, que la puissance de Dieu devienne possible ce soir. Seigneur, je sens l'atmosphère de la présence de Dieu. Depuis que je suis entré, j'ai senti La présence de Saint-Esprit. La présence de Dieu était en ces lieux. Ça veut dire mon introduction. Que l'objectif de Dieu, c'est de revêtir. Et quand il est revêté, si tu avais des maladies, ces maladies vont disparaître. Si tu avais des liens, les liens vont tomber. Quand tu seras revêtu, tu seras capable de relever et défier vos familles. J'ai toujours dit que Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu a permis que tu sois là ce soir, c'est que tu es la personne que Dieu a choisi. Pour que par toi, qui est la transformation qui arrive dans votre famille. C'est que la prière que tu feras aujourd'hui, ça ne sera pas seulement pour toi. Ça sera un pour toi et pour ta famille. Tu deviens une personne porte par laquelle Dieu va passer pour impacter ta famille, pour impacter ta maison, pour impacter ton mari, pour impacter ta femme, pour impacter tes enfants. Et ce soir, cela est possible. C'est pourquoi nous aurons deux types de prières. Premièrement, nous avons besoin du débordement. Nous avons besoin d'un côté surnaturel dans notre vie. Et la deuxième prière, nous allons assujettir tout ce qui était comme Madianite, comme opposition, qui détruisait l'œuvre de nos mains, qui était à la base de la souffrance. Et il y aura une victoire. Après ce programme de 10 jours, je vois de témoignages qui commencent dans cette église. Je vois des témoignages des gens qui avaient des défis compliqués qui le relèvent après cette prière. C'est pourquoi je suis venu provoquer ta foi. Si ta foi monte, tout devient possible. Même toi-même, tu vas t'étonner de ce que tu vas devenir. Ton environnement sera étonné car une puissance sera libéré. Nous allons chanter Yoshua. Il y a une puissance que tu vas libérer. Loïga sata la boche. Loïga la boche. Commence à voir ce que tu veux que Dieu fasse avec toi. Alléluia. Loïde chete le bo sata. Yes. Commence à quitter la dimension ordinaire. Commence à monter dans une dimension plus élevée. Commence à monter. Commence à monter. Prends une position qui te sera facile pour la prière. Tu es en train de lever deux mains. Tu deviens debout, tu lèves ta main. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. De la plénitude. Du débordement. Remplis-moi de ta puissance. Désir une autre dimension avec Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, je suis fatigué d'avoir une vie chrétienne sans impact. J'ai besoin de ta puissance. La puissance du Saint-Esprit. Le débordement. Pour accomplir une mission. Pour vivre ma destinée. J'aime ta façon de prier. J'aime ta façon de prier. Avance encore. Dans quelques minutes, il y aura une puissance. Une puissance particulière. Hey Yahweh. Hey Yahweh! Reba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Hey! Ça doit changer ton ministère. Ça doit changer ta vie. Oh! Qui a soif? Qui a soif? Qui a soif? Qui a besoin de Dieu? Qui a besoin de marcher dans la puissance? Je sens la puissance. Je sens la puissance. Je sens la puissance. Hey Yahweh. Oh, oh Jesus. Je sens cette puissance. Élève tes mains, ta main. Que le clavier continue. Les bras chez les basses. Alléluia. Mageli popo chararas. Alléluia. Kamande regadash. Alléluia. Il y a une question particulière. Il y a des personnes que le Saint-Esprit va remplir d'une puissance particulière. D'autres vont recevoir même des dons. Il y a des gens qui ne sauront pas supporter le poids de la puissance. La puissance de Dieu va impacter leur vie. Ton ministère est en train de connaître un nouveau départ. Tu vas prêcher différemment. Tu vas chanter différemment. Des vies seront transformées au travers de toi. Élève ce matin, main. Il y a une puissance. Yes. Mon dimension. Ouvre ce matin ton cœur. Dans ton cœur. Tu dis au Saint-Esprit. Mais voici. J'ai besoin de toi. Que ton cœur parle. Yes. Oui. Oui. Il y a des personnes pendant que je parle. Il y a une puissance qui commence à toucher leur vie. Ils seront encore saisis de la puissance terrible. Leur vie est en train d'être changée. Dès qu'au 5. Ils sont au nombre de 5. Dès qu'au 5. Ils sont au nombre de 5. Dès qu'au 5. Ils sont au nombre de 5. Dès qu'au 5. Ils sont 5. Ça sera fort là où elles sont. Oh, Loïa Satanabosa. Jéhovah. Il y a une puissance qui a circulé. À peu près 5 personnes. Dieu est en train de les amener dans d'autres dimensions. Même ici à la chorale. Pendant que je prêchais, je voyais une nuée qui circulait en ce lieu et dans l'assemblée. Ceux qui sont souffrants, ils vont trouver la guérison. C'est maintenant le Saint-Esprit. Dis simplement le Saint-Esprit. C'est maintenant le Saint-Esprit. Dis encore le Saint-Esprit. C'est maintenant le Saint-Esprit. Dis encore le Saint-Esprit. C'est ma Saint-Esprit. Dis encore le Saint-Esprit. Tu le dis avec foi. Sois sensible. C'est maintenant le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Encore Saint-Esprit. Saint-Esprit. Encore Saint-Esprit. Saint-Esprit. Plus fort Saint-Esprit. Saint-Esprit. Plus fort, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Plus fort, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Plus fort, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Yes. Ça commence par la chorale. Ça commence par la chorale. Toi qui es prêt. Il y a un travail. Il y a un travail. Il y a un travail. Il y a un travail. Il y a des gens qui sont capables de voir des visions. Yes, Lord. Mon brada shalababosete. Yes, Lord. Continue à désirer, continue à désirer. Continue à désirer. Une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. Continue à parler avec Dieu. Continue à désirer. Continue à désirer. Continue à désirer. Continue à désirer. Je peux la sentir cette puissance. Yes, Lord. Tu vas chanter différemment. Tu vas servir Dieu différemment. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Amène-la devant, libre d'avoir Shatana Bosse. Père, nous voulons voir. Nous voulons voir ta puissance. Ta puissance, oh Dieu. Ta puissance, oh Dieu. Ta puissance, oh Dieu. Ta puissance, oh Dieu. Amène-la devant. Il y a un travail qui s'est fait. Il y a un travail qui s'est fait. Il y a un travail qui s'est fait. Kemayata Rabosata. Père, que ta puissance agisse au Père. Mekata Rabosata. C'est là que le commencement, il y a un travail qui a commencé. Jesus. Levez vos mains. Seigneur m'a dit, il y a quelque chose qui est en train de verser ici. Il y a une chance. Celui qui est prêt le recevra. Celui qui est prêt le recevra. Et levez-vous vos mains. J'ai besoin de Seigneur. Dans l'assemblée, soyez prêts. Je sens une forte atmosphère du Saint-Esprit. Il y a des frères et sœurs dont il y a des dons que Dieu a placés en eux. Il y a des potentiels que Dieu a mis qui vont se révéler aujourd'hui. Tenez-vous à la main la chorale. Le Saint-Esprit est comme un souffle. Il est comme un souffle. Seigneur, cette chorale ne sera plus ce qu'elle était auparavant. Et tous leurs problèmes soient résolus. À partir d'aujourd'hui, comme tu as fait avec Gédéon, qu'ils soient revêtus de puissance. J'ai besoin des protocoles ici. Kimayata Rabosete. Ça sera fort. Vous allez chanter différemment. Pas seulement à cause du talent. Mais vous allez chanter avec une grande onction. Allez recevez. Recevez. Que la puissance de Dieu commence à transformer vos vies. Commence à transformer vos vies. Ce n'est que le commencement. Il y a une puissance que le Seigneur est en train de libérer. Yes. Il y a des gens qui n'entendaient pas comment se vont entendre. Il y a des gens qui auront même le songe. Et ils vont avoir des chansons par des songes. Que le niveau de l'inspiration augmente. La puissance augmente pendant que vous chantez. Je compte à 7. Avant que je ne rentre dans l'assemblée, je compte à 7. Il y a une puissance que vous recevez. 1, 2, 3, 4, 5. Lokata, Reba, Shadaba, Rimakata, Meika, Rekatosha, La Paidasa, Riposa, Remayata, Liko, Shadaba, 6 et 7 Pokea, Mekala. Écoutez, tenez-vous, quand vous tenez-vous. Tiens, une personne comme je l'ai fait avec ma soeur ici. Écoutez. Sikieni. Tiens, une seule personne, deux à deux. La Bible dit ceci. Que Samson. Pour détruire les champs des Philistins. Il a réuni deux renards deux à deux. Et il a allumé le feu. Et ils ont détruit les champs des Philistins. Nous sommes capables de détruire les champs du diable. Parce que le feu de Dieu veut s'allumer dans nos vies. C'est une seule personne. Deux à deux. À la main seulement comme ça. Non. Pas trois, deux. Si tu n'as pas quelqu'un, je te permets de prendre la troisième personne. Et puis éloignez-vous. Les deux. Les deux à deux. Moitié espace. Voyez comme on est à deux ici. Les deux autres vont s'éloigner un peu. Vous qui vont rester ici devant, restez devant. Tiens ton voisin à la main. Tiens-le à la main. Tiens-le à la main. Pendant qu'on est en train de se tenir à la main. Sinon, me dit, il est en train de former une grande armée dans cette église. Il est en train de former une grande armée qui va détruire les œuvres du ténèbre dans ce quartier. L'impact de cette église veut se sentir dans la ville à cause de la puissance du Saint-Esprit qui veut marcher avec vous. Ferme tes yeux seulement. Funga tu macho yako. C'est ma Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Ce soir. Je suis devant toi. Je suis devant toi. Je besoin du Saint-Esprit. Je besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Mais voici. Mais voici. Devant toi. Devant toi. J'ai la soif. Je la soif. Je crois. Je crois. Ce soir. Ce soir. Que ta puissance. Que ta puissance. Affecte ma vie. Affecte ma vie. Que ta puissance. Que ta puissance. Détruise l'œuvre du diable. Détruise l'œuvre du que diable. Que ta puissance. Que ta puissance. Détruise les maladies. Détruise le maladie. Que ta puissance. Que ta puissance. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Que ta puissance. Que ta puissance. Enlève le problème dans ma vie. Enlève les problèmes. Que ta puissance. Que ta puissance. Enlève les maladies. Enlève les maladies. Que ta puissance. Que ta puissance. Apporte la délivrance. Apporte la délivrance. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ce soir. Ce soir. Par ta puissance. Par ta puissance. Que le miracle. Que le miracle. Soit possible dans ma vie. Soit possible dans ma oh vie. Oh Dieu. Oh Dieu. Je refuse. De sortir. De sortir. Tel que je suis venu. De sortir tel que je suis venu. Je veux vivre. Je veux vivre. La Pentecôte. La Pentecôte. Je suis dans la chambre haute. Je suis dans la chambre haute. Je me révivrai. Ce que les apôtres ont vécu dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Oh Dieu. Déchire les cieux. Et impacte-moi. De la puissance. Je me remarcher. Dans la puissance. Commence à prier pour ton voisin. Que Dieu le remplisse. Que Dieu le remplisse. De la puissance. Où est-ce? Que de la puissance. Où est-ce? De la puissance. Où est-ce? De la puissance. Où est-ce? De la puissance. Où est-ce? De la puissance. Où est-ce? De la puissance. Où est-ce? De la puissance. Où est-ce? De la puissance. Où est-ce? De la puissance. Où est-ce? De la puissance. Où est-ce? Da da da da da da da da. Au nom de Jésus Christ, laisse ton voisin maintenant. Écoutez, lorsque Gédéon fut rempli de l'esprit, il était capable de faire tomber l'ennemi. Tu vas faire une prière d'autorité de combat. C'est ma Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mangaribi ya leo. Mangaribi ya leo. Par ta puissance. Par ta puissance. Je commence à faire tomber. Je commence à faire tomber. Tous les ennemis de ma destinée. Tous les ennemis de ma destinée. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Que la puissance de la sorcellerie. Que la puissance de la sorcellerie. Qui a combattu ma famille. Qui a combattu ma famille. Qui a combattu mon église. Qui a combattu mon église. Par ta puissance aujourd'hui. Par ta puissance aujourd'hui. Je le fais tomber. Je les fais tomber au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les géants qui se sont levés devant mon travail. Devant mon travail. Devant mon ministère. Devant mon ministère. Pour bloquer ma vie financière. Pour bloquer ma vie financière. Pour bloquer ma destinée. Pour bloquer ma destinée. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Par la puissance que tu m'as donnée. Par la puissance que tu m'as donnée. Je commence à briser. Je commence à briser. Rien ne tiendra plus devant moi. Rien ne tiendra plus devant moi. Je commence à marcher. Je commence à marcher. Au-dessus du serpent. Au-dessus du serpent. Et du scorpion. Et du scorpion. Sur toute puissance de l'ennemi. Sur toute puissance de l'ennemi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tout ce qui est derrière mes problèmes. Tout ce qui est derrière mes problèmes. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je le détruis. Je le détruis. Au nom de Jésus Christ. C'est ma Bwana Yesu. Bwana Yesu. Vita yote. Vita yote. Mukazi yetu. Mukazi yetu. Munyumba yango. Munyumba yango. Mubatoto yango. Mubatoto yango. Vita ya sante. Vita ya sante. Leo. Leo. Mina yangusha. Mina yangusha. Au nom de Jésus Christ. Commence avec la main. Commence avec la main. Asana mikono. Tu as la puissance. Oh. Eka ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eka ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Fais tomber les ennemis de ta destinée. Le combat de ton ministère. Le combat de tes finances. Les oppositions au travail. Ça doit tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Yes. La dernière prière. Écoutez. Tu pries bien. Non, Bamsuri. Tu pries bien. Non, Bamsuri. C'est ma Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mangaribi ya leo. Mangaribi ya leo. Moto wako. Moto wako. Iwake sasa. Iwake sasa. Mumaisha yango. Mumaisha yango. Choma. Izuma. Na kuharibisha. Na kuharibisha. Kazi yote ya shetani. Kazi yote ya shetani. Mumaisha yango. Mumaisha yango. Mukanisa yetu. Mukanisa yetu. Mufuaye yango. Mufuaye yango. Munyumba yango. Munyumba yango. Leo. Leo. Mina susha moto. Mina susha moto. Ichome na magonjwa. Ichome na magonjwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Avoye. No. Avoye. No. Avoye. No. Commence à voir les yeux. Commence, commence, commence. Oh, c'est quoi ce combat? Oh. Esclave, qu'il a réclamation, il pas te motoléo, regarde ta maison, regarde du côté de ta maison, chacun regarde du côté de sa maison, c'est ma bonne Yesu, c'est ma bonne Yesu, mangaribia leo. Mais n'a présenté nyumba yango. Il a présenté nyumba yango. Nanza kushusha moto. Nanza kushusha moto. Tout ce que l'ennemi avait mis dans ma maison. Tout ce que l'ennemi avait mis dans ma maison. Léo. Léo. Naichoma moto. Naichoma moto. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kiote shetani. Kiote shetani. Aliweka mufamii yango. Aliweka mufamii. Mufuaye yango. Mufuaye yango. Juu ya kuleta ma dispute. Juu ya kuleta ma dispute. Choma leo. Kiota liweka. Kiota liweka. Juu ya kuleta kifo. Juu ya kuleta kifo. Na kichoma leo. Na kichoma leo. Kiota liweka. Kiota liweka. Juu ya kuimpose pauvreté. Juu ya kuimpose pauvreté. Leo. Leo. Mimi naichoma moto. Choma moto. Kiota liweka. Kiota liweka. Juu ya kuleta magonjwa. Juu ya kuweka magonjwa. Mumaisha yango. Mumaisha yango. Munyumba yango. Munyumba yango. Na choma leo. Na choma leo. Sema moto. Moto. Iwake sasa. Iwake sasa. Change de position. Badilisha mahali. Jombe sasa. Prie pour toi. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mi Barak. Mi et Miriam. Si ton nom. Mi Barak. Mi et Miriam. Leo. Leo. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Inapanda ka forme ya moto. Inapanda ka forme ya moto. Leo. Leo. Niko mbele yako. Niko mbele yako. Najiexpose. Najiexpose. Devant moto ya Roho Mtakatifu. Devant moto ya Roho Mtakatifu. Yanze kuchoma. Yanze kuchoma. Mumaisha yango. Mumaisha yango. Bibaya biote. Bibaya biote. Magonjwa yote. Magonjwa yote. Ipate moto. Ipate moto. Ipate moto. Ipate moto. Laana yote. Laana yote. Ianguke leo. Ianguke leo. Ma parole ya mubaya. Ma parole ya mubaya. Ipate moto. Ipate moto. Leo. Leo. Nilingia mugonjwa. Nilingia mugonjwa. Mais nitoke en très bonne santé. Nitoke en très bonne santé. Je sens qu'il y a une puissance de guérison. Nasikia kuna kuya matunzo kupu. Tu peux être malade et tu ne sais pas que tu es malade. Omba au serré pendant que je parle. Je suis en train de prier. C'est Yesu. Moto shuke maisha yangu leo. Moto isuke tena maisha. Ichome magonjwa yote. Ichome magonjwa yote. Ichome yote. Ichome yote. Ma masque de vieillesse. Ma masque de vieillesse. Yote ya kukataliwa na bato. Yote ya kupakaliwa na bato. Ipate moto. Ipate moto. Yote inaletaka lourdeur mu maombi. Yote inaletaka lourdeur mu maombi. Yanguke leo. Yanguke leo. Eh baba. Eh baba. Comme le jour du prophète Élie. Comme le jour du prophète Élie. Que le feu. Que le feu. S'allume dans ma vie. S'allume dans ma vie. Avant de consumer. Afin de consumer. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Tous ceux qui ne pouvaient pas encore ton nom. Au nom de Christ. Nom de Jésus. Prie pendant deux minutes, on veut finir. Pendant une minute, on est à la fin. Dieu meille. Prie pour toi-même. Dieu meille. Prie pour toi-même. Dieu meille. Prie pour toi-même. Oh! Délivrance qui commence à arriver. Il y a des délivrances qui arrivent. Mets tes deux mains sur la tête. Tu fermes les yeux. Que tout ce qui n'est pas de Dieu commence à libérer ta vie. Monte une chambre. Que le feu commence à consumer. Yangouche, kazi, que ça fasse tomber l'œuvre du diable. Atrialeo. À dater d'aujourd'hui. Ma la maladie disparaît. La, la malédiction tombe. Loïgesh. Alléluia. Alléluia. Il y a des vies qui sont libérées. Kukoma isha ikona chiliwa. Il y a des délivrances qui sont opérées. Kukoma funguli vu inafashika. Atrialeo. À dater d'aujourd'hui. Milango ibakiwasi. Que les portes restent ouvertes. Marche dans la puissance. Vis le signe. Vis le prodige. Vis le miracle. Que les grandes choses commencent avec toi. Qu'une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit commence. Que tu commences à vivre les débordements. À partir de l'heure. À date d'aujourd'hui. Pour créer à quel moyen qu'on étage. Reçois ce que ton cœur désire. Ragado sharababo seter. Tu as besoin de quelque chose réfléchie. Que la puissance de cet esprit affecte ta vie. Affecte ta vie. Affecte ta vie. Affecte ta vie. Affecte ta vie. Affecte ta vie. Affecte ta vie. Affecte ta vie. Que la puissance de Dieu transforme ta vie. Ton identité. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Je déclare à partir d'aujourd'hui. Commence à marcher dans la puissance. Commence à marcher dans la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Un message puissant. Des révélations. Je vis, genoux, hanches. En tout cas, ce soir, nous sortons avec des révélations. Profonde. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Bien-aimés, nous retenons que nous devons être plus revêtus de l'Esprit. Nous devons marcher dans l'Esprit. Nous devons faire que notre esprit grandisse. jusqu'au débordement. Il faut que nous-mêmes nous soyons les communicateurs de l'Esprit. En tout cas, prophète, merci beaucoup. Nous bénissons votre Dieu qui a travaillé ce soir. Bien-aimés, nous voulons passer aux offrandes. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas les consacrer à Dieu. Alors, sous la musique de la chorale, nous allons offrir à notre Dieu. Mmh.